le plaisir de vous retrouver. Oui, c'est votre réflexe hebdomadaire, notre émission, avec nos joyeux lurons dans ce studio. Ils sont en forme. Alors, vous avez remarqué, vous avez des nouvelles chaises. Oui, c'est magnifique. Ah, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus confortable. C'est vrai, t'aimes bien? Ah ouais. Et t'as vu, elle est réglable. Ça veut dire que là, tu peux appuyer. Il n'y a plus de Jadoul. Jadoul est tout seul. Attends, je vois juste le micro de Jadoul, il n'y a plus de Jadoul. Oui, Jadoul, là, tu es là. Oh, il s'est fait mal. Je me suis éclaté. Comment on appelle ça? Le flanc? La hanche. C'est la hanche que tu montes. Ah, j'ai plus de hanche là. Alors, du coup, si vous avez une hanche d'occasion, faites-le nous savoir dans les commentaires. On est preneur. Dites-nous tout en commentaire. Oh là là, faut qu'on se détende. Vous savez ce qui nous manque? Dis-nous. Un petit intermède musical, peut-être. Ah oui, ce serait sympa. Wa. De quoi? Il y a déjà un bed. Ah. Wa. Oui, mais alors ce qui est fou, il faut qu'on en parle un jour. Et là, voilà, je pense que c'est l'occasion. Ah. Le bed classique de l'émission, c'est ça. Ouais. Là, il est plein, tu vois. Il y a tout ce qu'il faut dessus, c'est très musical. Pourquoi est-ce que nous, quand on fait le before, on a le droit à la version biniou? On a l'impression qu'on fait ça avec un cure-dent ou, tu vois, un petit bout de latte. Ouais. C'est fait exprès ou C'est écrit Bed Jadoul, saison 5, before podcast. Donc à mon avis, oui, c'est fait exprès. Okay. Je pense que la démarche dans cet habillage... Non, ça, c'est un ressort. Tu sais, tu joues avec un ressort. Boing, boing, boing. C'est horrible. Non mais à quel moment on se dit on a un beau bed? Parce que c'est trop fort. Tu agresses l'oreille des auditeurs qui viennent seulement nous rejoindre. Donc comme c'est le before, il en faut moins, c'est ça? C'est ça, on commence crescendo. L'homme pâle, t'es là s'il te plaît? Oh mon Dieu, quel manque. Tout c'est un décrescendo. Merci monsieur. Allez, ne bougez pas, merci de nous avoir choisis. Starts now. Faut faire le plein de bonne humeur. Ça tombe bien, vous êtes à l'heure. Dès 20h, c'est direct. On va rire, ce sera marrant. On s'en fiche du reste, on s'en fiche des autres. Les bons délires, ça, on leur fait confiance. Durant 2 heures, sans une prise de tête, c'est bien parti, on délire ensemble. Jadoul, Jadoul, Jadoul. Tous les mercredis. Jadoul, Jadoul, Jadoul. Dans la trappe. Jadoul, Jadoul, Jadoul. Tous les mercredis. Jadoul, Jadoul, Jadoul. Dans la trappe. 3, 2, 1, go! Tous les mercredis, la trappe avec Jadoul et toute son équipe en podcast. Wow! Bonsoir, bienvenue, on est en direct avec vous. Et oui, c'est le mercredi. Yes, on est là. Oui. Vous nous avez terriblement manqué. Ah oui. Sachez-le, on va vous avouer un terrible péché. Non, c'est vrai, on va leur dire. On va leur dire, bah oui, on est obligé. Attends, ta moustache peut pas avoir poussé comme ça en à peine une semaine. Ça fait combien? 20 secondes d'antenne. C'est pas à moi qui parlais. Nous n'étions pas en direct la semaine dernière. Aïe. Mais comment ont-ils fait? Pas si anticipé. Il y a des petits travaux. Bah oui. On est dans de nouvelles conditions. Ah oui. Ah oui. On n'est pas trop mal. Hein. On est même très bien. Très très bien. On sent l'augmentation, on ne sait pas d'où. Il y a des radios nationales qui n'ont pas des studios pareils. Hein. On sent que le patron a gagné au loto. On est bien là. Ça fait un peu comme les gens, si tu gagnes au loto, tu le dirais ou pas? Non, mais ça se verrait. Ouais, c'est vrai. Mais ce qui est fou, vous avez vu notre petit mausolée ici? Oui. C'est une photo de l'ancien studio? Oui, avec marqué à côté souvenir, une belle pierre tombale. C'est ça. Ce qui est vraiment. Ouais, alors, il y a une bougie. Il y a une bougie allumée, il y a une vraie pierre tombale, je me sens mal. Non, allez, on va se recueillir deux secondes pour l'ancien studio qui nous a bien servi, mais qui était vraiment pas terrible. Allez, on y va. Notre très cher studio, ancien studio, tu nous as quittés. Et on ne te regrette pas. Allez. Pas du tout. Ce fut bref, court. Non, mais il était bien, il était bien. Il était pratique. Il était pratique, ouais, c'est vrai. Bon, c'était un peu comme une première voiture déglinguée. C'est. Voilà, on s'y attache. Et... Comme ta Poufiat. Mais comme ma Poufiat, voilà. Est-ce qu'on peut dire que pour l'acoustique, maintenant que tout est propre, est-ce qu'on peut dire que. Non, on va pas le dire ça. Allez. Non. Pourquoi on peut pas dire qu'il y avait des draps au plafond? Et des coussins. Des coussins, oui. En fait, tout ce qui était mou et en tissu a servi à faire l'acoustique du studio. On avait un hamac. Oui, mais alors si tu te mets dessus, par contre, t'as arraché le plafond. Non, c'était en des conditions de précaires. Pas légère. Non, j'étais en train de dire que c'était vraiment fragile. J'aime mieux ça. Il s'en sort bien. Bienvenue. En tout cas, voilà, ça, c'est ne concernait que nous, puisque pour vous, ça ne change absolument rien. Si ce n'est que ça résonne quand même vachement moins. On espère que vous avez passé un bon début de semaine. Nous, on a plein de surprises. Autant vous dire qu'avec ces congés qu'on s'est pris, on a fouillé tout ce qu'il y avait. Internet, la télé, la radio. On a de tout. On va aller même sur une chaîne que vous connaissez sûrement pas. Ah. Arrête. En plein ramadan, on s'était dit que c'était bien de regarder une chaîne chrétienne. Ah. Okay. Bah oui. Bon, bah ça va être beau ça encore. Mais c'était le carême chez nous. Ah bah oui, ça, bah oui je sais plus en quoi ça. T'as mangé de la viande jeudi, vendredi, samedi? Pourquoi faire? Bah, il faut pas manger de viande vendredi, samedi. Mais enfin, Jadoule. Vendredi, bah. Samedi. Oh, attends. Jeudi, vendredi, samedi, il fallait pas manger de viande. Voilà, ouais, toute ça. La semaine quoi. Non. Tu manges plus non plus. C'est ramadan au final. Nous, alors les cathos, c'est un peu plus sympa. C'est que 3 jours. Le truc le plus dur, c'est chasser les œufs et les trouver où ils sont. Enfin, la religion catholique, elle est assez cool quoi. Elle est flex, hein. Dans quelques instants, mais va ton énigme. Oui. Bah, une énigme, c'est une petite. Mon premier. Non, et voilà, c'est pas ça, c'est plus une question. D'où vient l'expression faire un bide? Pourquoi on dit faire un bide? Parce que quand je fais la blague, je me mets comme ça. Sans le bide. Et on voit mon nombril. Hop, t'es bidou. Eh ben non. Ok, bon. Si vous avez des idées, n'hésitez pas sur mon Instagram, Jadoule, on sera ravis de lire tout ça. Je vais présenter l'équipe de ce soir. Oui. Ah bon, Maëva. Tous les soirs. Maëva, elle est là, hein. On n'a pas besoin de la présenter. Oui, bonsoir, Jadoule. Comment ça va? Ça va bien, je suis contente, vraiment contente d'être là. Je te jure, je suis rentrée, j'étais toute euphorique quand j'ai entendu le générique. Oh, bah oui, parce qu'elle est arrivée sur le générique. Bah hein, oui. Ah ben. Pourquoi il fallait arriver? Vous vous rendez compte, on a démarré à 20h02 en plus aujourd'hui. 20h02, et là, oui, bah ça va, il y a le générique, non? Je suis à l'heure. Bah 57, j'étais dans l'ascenseur, tout. Elle caresse le chat, elle prend son temps, enfin, tu mets sa petite clope sur la terrasse. Non, c'est pas vrai. En regardant le coucher de soleil. Je m'en grille une, oui. J'arrive, je suis là dans un instant. C'est la quatrième. Incroyable. Merci Maëva d'être là. Merci à toi. Bonsoir Kix. Bonsoir. Alors on peut dire ça y est, l'ami des stars. Pourquoi? C'est pas toi qui étais en boîte avec Elodie Rupo? Il nous a pompé. Ouais, notre si, c'est vrai. Non, j'étais pas avec lui. En fait, j'étais dans une soirée à Mons. Et effectivement, il était de passage. Et donc, j'ai fait une petite photo avec. Voilà. Ouais. Il était beau, hein. Je m'attendais pas. En pleine nuit, reçois une photo sur un groupe avec Kix, Elodie Rupo et son copain. Un groupe de travail, quand même. Mais j'étais même pas censé y être, en fait. C'est parce que j'étais invité justement par mon meilleur ami, comme t'as dit. Et du coup, on était sur place. Elodie Rupo était là. On a fait une photo avec lui. Cette photo-là a été mise dans une story et lui a reposté cette T'as été dans la story de. Story oui, vous pouvez simplement dire que t'as été dans la story de Elodie Rupo. Oui, c'est vrai. C'est plus court. Oui, mais j'ai essayé de faire le petit chemin là, t'es pour dire comment ça. Ouh, ça fait déjà 5 minutes qu'on parle, tu sais. Arrête de faire le malin, moi j'ai été sur un post Instagram d'Elodie Rupo. Wow. Il y a un concours là ou quoi? Mais ça veut dire que tout le monde est dans la story d'Elodie Rupo. C'est-à-dire que le mec, c'est personne finalement. Non, si, c'était mon voisin avant. Bah oui. Ah oui, tu nous avais raconté dans l'émission, mais c'était il y a 2 ans. Elle nous a raconté qu'elle le voyait aller faire ses courses. Enfin, un truc incroyable. J'avais besoin d'eux pour faire un gâteau. J'allais sonner chez Elio. Non, ça par contre, c'est faux. C'est ça le petit nœud papillon que tu mets là tous les jours? C'est ça, exactement. Okay. C'est son cadeau. Offert pour je suis ravi de la petite Maëva. Maëva qui a vraiment, je trouve, des joues bien remplies. Elles sont remplies de la joie des électeurs. Électeur, tu es en âge de voter, ma petite. Oui. Viens sur mes genoux. Non, allez, on y va. Allez, tu vas pouvoir palper le scrutin. Il préférait que ce soit Kix sur ses genoux, si je peux me permettre. Oh, je n'avais pas vu le jeune homme. Ça va, je suis très bien, ma place. Alors, mon grand, tu as ton petit crayon rouge. Oui, bah oui, rigolez pas, je l'ai vraiment. Alors, montre le petit bout qui fait une croix au bon endroit. Bon, on peut commencer l'émission. Ah oui, bonne idée. Dès 20h, c'est Jadoul sur KIF. Fais gaffe, ta bougie. Oh merde. Oh merde. Attendez. Il y a un problème. Il faut expliquer. Le store du studio vient de tomber sur Jadoul. Attends, il vient d'arracher le store qui est tombé sur le mausolée avec la bague souvenir de l'ancien studio avec la bougie. On n'a pas y prendre feu. Oui, oui, parce que le store est en plein sur la bougie qui voilà. est allumée, hein, je rappelle. Le studio qui est tout neuf aurait pu être fini déjà en un jour. Ah, oh, purée. Même pas en un jour, en quelques minutes. Ah, la catastrophe. Wow. Faut qu'on explique calmement. Voyez-vous, on a encore un petit peu de soleil à cette heure-ci et un petit peu de lumière. Et donc moi, j'ai un reflet dans mon écran. J'ai voulu abaisser le store rapidement pendant le jingle, voire même un peu trop rapidement. Ce qui fait que j'ai arraché l'intégralité de... À la barre de store est au sol. Ah oui, ben là, wow. c'est-à-dire que ben, vous savez quoi, je vais faire la séquence debout. Voilà, enfin, je vous l'avais gagné. Hop, je voulais mettre un bed. Oui, c'est mieux. Hop, on glisse ça là. Ça, c'est de la radio en direct. Hein. Ah bah là, on peut pas dire le contraire. Là, ils vont plus hésiter, on est bien en direct. Quelle autre radio arrache des stores en live? Je sais pas. Nous on est quand même des tocards. On fait une séquence juste avant pour dire regardez le studio, il est neuf. Et nous, on arrache le studio. Mais ce serait pas nous si c'était trop parfait. Ah, c'est il tire une sale gueule le store par terre, il agonise. Non, mais t'imagines s'il avait pris feu? On en fait vraiment mal là pour le coup. Il y a même pas d'extincteur dans ce studio. C'est une bonne réflexion, il est incendie. Hors norme. Il c'est est hors norme. On va rajouter un extincteur. Oui, excusez-moi, c'est pour le contrôle de sécurité. J'aimerais voir. On a failli avoir le feu quand les même. Les sorties de secours et l'extincteur, s'il vous plaît. Bon, 20h15, on peut démarrer l'émission. Allez, on continue. Donc, vous connaissez la chaîne KTO? Pas du tout. KTO aussi, bien sûr, c'est KTO. Pas KTO, c'est KTO comme catholique. KTO, KTO. Mais KTO. C'est un jeu de mots. Ah bon? Mais wow. KTO, catholique. Non, elle nous prend pour des teubés. Mais qu'est-ce que tu dis KTO? Ah, KTO. Non, KTO. KTO. Bon, KTO. KTO, pas de souci. On va découvrir la chaîne ensemble pour ceux qui ne la connaissent pas. Et plus précisément, l'émission qui s'appelle QCM. Bonsoir, quelle joie de vous retrouver. Et aujourd'hui, ce n'est pas un QCM comme les autres, c'est la grande finale. Mes trois candidats qui se sont affrontés sont là, très présents et ont envie de gagner. Mais surtout, ils sont dans une bonne ambiance car ils veulent jouer dans la foi et la bonne humeur. Dans la foi et dans la bonne humeur. Oh, c'est beau. Ah, j'adore. Et s'ils suivent aussi bien que mon équipe, ça doit être magnifique. Alors, qui dit QCM dit question à choix multiple. Bonne réponse. Ils jouent pour un séjour, alors sans plus attendre, la première partie. À quelle mythologie appartiennent Pangu, Vent Chandiguyun, Yalunwang et Mazou? Taoïste, slave ou hindou? Alors, Maëva, Kix? Je sais pas, mais le gars dirait moi quand je dis mes questions. Moi j'adore, il y a tout. Il hein. y a la cloche. Je sais pas, déjà j'ai rien compris à la question. Hindou. Bon, laissez tomber, on va voir ce que Marie-Ange répond. Taoïste? C'est le hasard? Oui. Écoutez, bravo. Oh l'ambiance. Jésus est avec toi. Alors, j'ai comme l'impression qu'il n'y ait que le hasard qui pouvait fonctionner avec cette question. Monique, que j'ai quittée la semaine dernière. Bonsoir, Monique. Bonsoir, Frédéric. Oh, ben, je sais pas. Ça fait qu'un jour, vous voulez m'appeler Frédéric. Allez, allons-y pour Frédéric. Pardonnez-moi. Il n'y a aucun problème. Non. Vous remettez du gâteau à la dame, s'il vous plaît. Alors, encore un petit verre de pinard. On dirait un vieux couple qui vient de rompre. On sent que le mec en a marre. Ah, oh, aucun problème. Connasse. Bref, passons à la suite. Monique, je vous pose pas trop de questions parce que je sais que vous êtes un petit peu tendu. Nous allons commencer tous les deux avec cette première question. Bah ouais, je vais pas trop vous poser de questions, mais je vous en pose quand même. Hein. Hey. Bon, c'est quoi le principe du jeu? Parce que j'ai toujours pas compris, moi. La lampe rouge qui indique la présence réelle brille à côté de la cathèdre, de la croix ou du tabernacle. Le tabernacle. Effectivement. Quoi? Le quoi? Hey, les tabarnak de médias, quand est-ce que je t'ai curé de vous autres, tabarnak? Oui. Il me semblait bien que j'avais entendu ça. Bon. Bien évidemment, il s'agit ici d'un tabernacle. Un meuble qui abrite le ciboire. Bori, le ciboire contenant les hosties. Ah. Mais pas souvent à l'église. Ah bon? Généralement placé derrière l'autel dans l'église. Et non pas tabarnak. Hey, les tabarnak de médias! Pas le même. Comme le veut l'expression canadienne. Okay. Je sais pas vous, mais moi j'aimerais bien savoir quand même qui est la grande gagnante de ce fameux jeu, le QCM que tout le monde envie. Marie-Ange, vous avez marqué 4 points et vous êtes la grande gagnante de cette finale. Vous avez l'air étonnée. Je pensais que j'en étais à 3 points. Mais non, vous étiez à 3 et maintenant à 4. Bravo. Vous avez été... On était quasiment à égalité. Exactement. Non, oh, oh, j'ai gagné. Oh, mais mince alors. Je pensais que c'était une égalité. Mensonge. Mensonge. Bon, il est temps de passer au cadeau. Bah oui, parce que forcément, qui dit jeu dit cadeau. Tout à fait. Et sur 4 Théo, il doit y avoir de beaux cadeaux. Monique, vous ne partez pas les mains vides. Votre cadeau. La maison Anka est heureuse de vous offrir une médaille en or d'une valeur de 150 euros. Waouh. Énorme. Mais c'est trop bien, une médaille en or. Un collier, quoi. Au sauf s'il s'agit d'une médaille de baptême. Ah. Enfin, je sais pas. Ça traînait au fond d'un tiroir du studio, fallait bien que quelqu'un reparte avec la médaille. Bon, en attendant, j'imagine que vous aussi, vous avez hâte de découvrir le cadeau de Marie-Ange, la grande gagnante. Et vous, Marie-Ange, bravo! Vous avez gagné aussi un très beau cadeau. Ce mois-ci, le Mont Saint-Odile a le plaisir de vous offrir un séjour de 2 nuits pour 2 personnes dans ce célèbre sanctuaire, haut lieu de l'Alsace. Ah bah oui, un sanctuaire, c'est formidable comme cadeau. Nous, tout ce qu'on peut offrir, c'est une visite en prison, voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre en stock? Allez, un petit moment chez l'esthéticienne de Maëva. C'est t'as pas d'esthéticienne? Ah bah non. Ah bah oui, ça c'est, va bien. C'est moi l'esthéticienne. Oh, c'est dur à dire. Oh, oh dis donc, on se concentre, on écoute Maëva. C'est moi l'esthéticienne. Waouh. L'esthéticienne. Non mais attendez, 4 murs avec, auxquels de l'intérieur on peut prier toute la journée, ou une prison, ça marche aussi. Bon, il reste une toute dernière question à poser à notre ami. Êtes-vous déjà allé dans ce sanctuaire? Il y a très longtemps. Ah. Bon, attendez, en prison? Ou dans un... Oh, je ne comprends plus rien, on est dans un couvent ou dans la prison? Parce qu'il y a un magnifique son qui arrive, qui est celui-là. Ce sanctuaire. Il y a très longtemps. C'est ce que je viens de mettre. Ah oui. Bah, c'est grave. Merci. Voilà, Kix, bravo. Félicitations. Allez, merci. Tous les mercredis dès 20h, c'est avec un bon morceau de gâteau. Et c'est avec Jamoul. Sur Kayev. Eh bien, voilà. Merci, Simone. On rappelle en 2 mots l'énigme du jour, Maëva. Alors, il faut deviner, enfin, il faut trouver pourquoi on dit faire un bide. Ça vient d'où? Ça vient de quoi? Pourquoi? Parce que quand on allait au théâtre, on allait au restaurant. Et quand on avait vraiment bien ri au théâtre, on allait se faire péter le bide au resto. Non. Mais t'as une bonne, un bon début de réponse, parce que c'est, tu m'as même fait peur. C'est parce que ça vient du théâtre, en effet. Ok. Ah est-ce que Franck Gaston Bide fait des blagues? Et du coup, on appelle ça une Franck Bide? Non, alors... Oh là là, t'as été loin. Faire un bide, ça veut dire un échec, quoi. C'est de la merde. Enfin, bah non, peut-être pas. C'est pourri. C'est fou. En fait, Maëva a la faculté de rembobiner en live. Ça veut dire, vous savez, la vieille cassette, comme ça. Elle accélère. Parce que je disais ça tout à l'heure. Dis, j'ai perdu mes clés. Est-ce que par hasard, tu ne serais pas rembobiner dans 3 semaines en arrière? Non, mais elle remonte pas le temps, Maëva. C'est pas une machine magique. Oh. Bon. Bon. Tu es un peu magique, hein. C'est vrai. Ah, voilà. Qu'est-ce que tu peux faire de magique, par exemple? Renifler. Ah, c'était sympa, c'était très sexy pour une meuf, ça. Très auditif. Bah, Eva est toujours... Ouais. Non, mais je sais... Ouais, bah, on écoute, vas-y. Il a volé le précieux. C'était super. Allez. C'était un peu magique, quoi. Oui, formidable, vraiment. Au fait, il n'y avait pas un défi qu'on s'était lancé? Si, je l'ai... On redonne aux auditeurs un petit peu le contexte. Très en retard. On avait un problème avec Maëva, c'est que vraiment, elle était, mais pas du tout, à cheval sur les horaires. Ça veut dire que, bon, là, vous l'avez compris aujourd'hui, j'ai déjà arrivé pendant le générique à 20h02. C'est peut-être pour mais ça d'ailleurs la raison de... J'étais à 57 dans l'ascenseur. Oui, et ça met 3 minutes à monter 8 étages. Bah non. Ah, j'ai... c'est ta clope, tu peux le dire. Mais pas du tout, je fume pas. On va sortir les caméras de surveillance devant le bâtiment. Oui, ah oui. Bonne idée. Bon bref, on avait dit que si Maëva ne mettait pas les sons de ses séquences à temps dans la machine et qu'elle ne faisait pas les textes à temps pour qu'on soit serein dans la préparation de l'émission, elle me devait, et elle s'est engagée elle-même. Oui, à te donner une boîte de Ferrero Rocher. Est-ce que ce jour est enfin... Il faut dire que je suis tellement à cheval sur les horaires que ça, cette histoire, c'était il y a 4 semaines. Oui. Et je t'avais dit que je te ramènerais ce jour-là une boîte de Ferrero Rocher, mais quitte à te faire attendre, ben voilà, s'il te plaît. Mais tu sais quoi, avec l'attente, c'est encore plus savoureux. Ah, parfait. Ah, des Ferrero Rocher. Mais il en manque. T'as commencé à le bouffer? Bah, il y avait des embouteillages. On t'adore. Bah, tu sais quoi, comme moi, je suis un mec généreux, je vais instantanément les partager avec l'équipe. Yes, oh. Yes, yes. Waouh. Et Maëva, t'auras même le droit d'en prendre. Ah, oh, waouh. Avant ça, on a rendez-vous avec les beaux mots de la langue française. Vous êtes fan de chansons? Oui. Vous êtes fan des rappeurs? Non. Ça va. je rigole. Oui, on rigole. C'est des patrons, écoute. On rigole. C'était une vanne. On adore le rap. Bah, pourquoi tu me fais des grands appels de phare avec tes yeux alors? Bon, bref. Parfois, il y a des textes profonds derrière les chansons que vous entendez toute la journée. Je vous propose un moment de poésie. La chanson de la semaine, c'est un moment de poésie. Un moment aux mots profonds offert par Radio Falminiul. Je sors la bécane canne, ou je sors la bécane canne, ou canne, didi di dada, je fume la bœuf, je sors la bécane, didi didi didi, je m'en bats les couilles si c'est dangereux sa mère. Je vois que des barreaux en fer. La bécane crie et je sors de l'enfer. Sur un gros fer, bah ouais, remballe, tassé, j'ai aimé, cessé. Je tourne la poignée, je froisse le temps, je roule comme si quelqu'un m'attend. Je cale le pétard entre mes dents. Bah ouais, bah ouais. C'était un extrait de l'œuvre Bécane de Yamé. Chers amoureux des mots, bonsoir. Encore un truc très bien produit, ça. Tous les mercredis dès 20h, c'est avec Jadoul sur KIF. Ah, c'est fou, vous nous avez choisi dans un instant. Je ne sais pas quel est le signe zodiaque fort de la semaine, mais sachez que des cartes vont être tirées, pas que des cartes d'ailleurs. On ne veut pas savoir. Notre ami de l'émission, Dominique Vegas, viendra faire ses prédictions. Peut-être que ça vous concernera ou pas. En dans tout cas, le vous. Végastral. Le Végastral, crois, oui, c'est ça, c'est le nom de sa séquence. On l'oublie. Mais bon, ouais, si on veut une vraie star, dans quelques instants, on recevra aussi Kikix. Laurence Foresti. C'est dur à dire, Kikix. Kikix. On recevra Kikix. Kikix. Kikix. Kikix. Pardon. Oui, dans l'interview combinée. Voilà. Okay. Ça a foutu un froid qu'on dise que Florence Foresti allait arriver, j'ai l'impression. Mais je trouve que ça met un peu voilà, le stress. Ah ouais. Parce que, on l'admire beaucoup. C'est vrai. Et, c'est vrai. Voilà, elle est tellement drôle. Heureusement, c'est dans le nouveau studio, donc elle devrait être bien. Oui, elle sera confort. Ouais. Bah. En attendant. Sauf s'il y a des trucs qui tombent encore du plafond tout le long de l'émission, mais. Est-ce que tu as solidifié le store? Bah, disons qu'on a arraché la seule chose qui était fragile. En fait, dites-vous que c'est un signe, peut-être que la seule chose de notre précédent studio, c'était ce store. C'est vrai. C'est la seule chose qui n'a pas résisté. Mais c'est les énergies, Dominique Vegas te le dira. Il faut savoir tourner la page, laisser les mauvaises énergies derrière pour avancer et aller vers de meilleures choses. Tu sais quoi, Maëva? Oui. Je pense que même maintenant, directement, nous allons demander à Dominique Vegas de désenvoûter des mauvaises ondes de ce studio. Ah, ouf. Allez, faites-le rentrer. Hein. Ah, attendez. Ah, faut que bonsoir, Dominique. Ah, attends, il passe. Oh. Ah, c'est bon. Bonsoir. Bonsoir, Dominique. Excusez-moi, je m'installe. Vous pouvez. Non, on fait court. Là, c'était pas prévu, c'était juste pour désenvoûter des mauvaises anciennes ondes du studio. Vous voulez que je vous envoûte, monsieur Zadoul? Pas moi, le studio, vous le désenvoûtez. Le attention, alors ne poussez pas, tout le monde doit être calme. Restez calme, c'est vous derrière. Peu importe où vous m'écoutez. Non, mais c'est pour le studio ici, pas les auditeurs. Mais. Quitte ce studio! Quitte ce studio, Mélisandre! Quitte ce studio! Merci, Mélisandre, merci. Mais. Et c'était qui, Mélisandre, monsieur Vegas? C'est une ancienne connaissance que je déteste. Et je suis sûr qu'elle fait tout en sorte pour que tous mes projets se cassent la tête. Ah, comme, vous pensez que c'était elle qui avait maudit ce store et ce studio? C'est sûr et certain, c'est elle. C'est mes cartes qui me le disent tous les jours. Bon, Dominique, on se retrouve dans 5 minutes? C'est ça, oui. Pour le Végastral? Je vais vite à la cafétéria en attendant. Volontiers. En attendant, le fallait nous le dire plus tôt. Kix, peut-être une idée, faire un bide? Oui, pourquoi? Oh, faire sans transition. Mais pourquoi? Parce que rappelons la question pour les auditeurs qui viennent de nous rejoindre. Ah oui, merci. Pourquoi est-ce qu'on dit faire bide? Ça vient d'où cette expression? Bah, je sais pas, moi j'aurais juste dit un truc de nul, parce que c'est nul, mais après, il sait pas, elle a raison. Nul, ça parce que donc faire un bide, ça veut dire subir un échec en gros, et un bide, c'est le ventre. La panse. La panse, quoi. Donc, pourquoi faire un bide voudrait dire subir un échec? Un bide, qu'est-ce qui pourrait avoir un lien avec le bide? Quand on souffre de la famine. Tu avais donné un indice tout à l'heure, Jadoul, tu avais parlé de théâtre. J'ai une idée. Dis-moi. C'est quand au théâtre, les gens ne rient pas. Oui. Ils se frottaient la panse. Non. Ils se faisaient. Oh, ils se grattaient le nombril. Ils se grattaient le nombril. Oh, on s'ennuie, dis donc. Oh, bah, qu'est-ce que j'ai ? Il y a du monde là-dedans. Non. Kik, c'est une idée ? Bah non, au théâtre. Oui, au théâtre. C'est pas un outil, genre un truc qu'on utilisait qui s'appelait le bide ? Pas du tout. Ah. Donc du coup, le bide, c'est bien par rapport au raccourci du mot bidon, en fait, donc le ventre. Et ça vient donc des comédiens au cours du XXe siècle, dans le milieu du théâtre. Quand on se produisait et qu'on faisait n'importe quoi, on repartait en rampant. Et donc en se glissant sur le bide. Mais... Mais c'est faire l'escargot. Au XXe siècle, en fait, on disait qu'on repartait en rampant parce que on avait fait. Ok. C'était pourri, quoi. Et donc du coup sur le ventre. Mais dis-le. On avait fait de la merde. Merci. Donc quand c'est nul, partir en rampant. Voilà, on repartait sur le bide et c'est comme ça que l'expression est née. Ok. Faire un bide, c'est repartir en rampant tellement on a honte. Ouais, de la prestation pourrie qu'on a fait sur scène. Bah tu sais quoi, j'ai vu des mâchoires se décrocher dans ce studio tellement tu nous as appris un truc. Ouais. C'est vrai. Ouais. Waouh, wow. Pour le coup, on va rester assis. De la séquence, mais ok, nickel. On est sur le cul. Ouais. Vu que c'était pas nul, on va rester assis parce que voilà, on prend du bon temps. Ah, moi, je ne repartirai pas en rampant de ce studio. Mmh. Oui, parce que tu ne vas pas faire, hein. Speed. Tout à fait. Waouh. Wow. Et c'est là que je me dis qu'on aurait dû s'arrêter une minute plus tôt dans cette séquence. Du... Bah non, notre impro là, attends, ça va pas. Kix, vas-y, refais-nous du sous-à-faune. Merci. Jadoul et son équipe sur KIF, c'est comme un pare-soleil à ventouse sur une belle voiture de luxe. Ça dénote. Oh ben ça va, et ouais. C'est une faute de goût. Mais ça nous fait bien marrer. Dès 20h. Jadoul. Oh. Oui, il est là. Yes. Notre voyant préféré, Dominique Vegas. Il est installé, il est avec nous en studio. Bonsoir Dominique. Bonsoir mon petit ami préféré. Petit ami, j'étais pas au courant de certaines choses là. Je suis pas sûr de comprendre Dominique. Mais si par rapport à moi tu es tout petit. Ah oui, d'accord. J'ai eu peur. Oui, c'est une question de taille, d'accord. J'ai bien compris le message. En façon, tu ne me mérites pas. Tu ne veux pas de moi. Donc je resterai le voyant des stars et le dessin des voyants, c'est pas grave. C'est pas plus mal, c'est votre fonction. Et c'est pour ça qu'on vous avait fait venir dans cette émission, mais dites-vous que moi je vous aime, mais à une façon différente que celle que vous pensez. Ah, oui, tu préfères quand je suis de dos, petit coquin. Tu veux mettre des pièces en matière lire, ou tu veux payer par carte? Eh oui. Je sais aussi faire lecteur de cartes. Bien. Ouais, ça a bien changé ici. Non, pas du tout. Et arrêtez de passer des cartes dans votre fente là, c'est dégueulasse. C'est des cartes qui vont servir après pour les prédictions. Bon, ce serait possible de commencer votre séquence voyance s'il vous plaît, Dominique. Bien sûr, mon fou. Je mélange les cartes. Aujourd'hui, le signe fort de l'horoscope, ce sont les lions. Vous devenez indispensable et vous le sentez. Nous aussi, on vous sent. C'est peut-être le moment de demander une augmentation ou une promotion pour que vos nouvelles responsabilités prennent un caractère plus officiel. C'est pourquoi, Jadoul, je me retourne vers toi pour... Non, arrêtez, non, vraiment pas. Il n'est pas question de parler d'argent, vous savez, il n'y en a pas ici, tout est parti dans la peinture. Dommage. Ça aurait pu me racheter des nouvelles chaussures. Oui, la dernière fois, elles étaient toutes crasseuses. Eh ben, faites votre vie. Poursuivez Dominique, s'il vous plaît. C'est très mauvais cette semaine. Qu'est-ce que vous pouvez rajouter pour les lions? Alors, mes cartes me disent... Ah oui, la santé. Vous soignez votre hygiène dentaire. Moi, je ne veux pas vous le casser, c'est un dentier. C'est plus facile pour les pipes. Ouais, je suis choqué, mais Dominique, il n'y a plus aucun filtre. Non mais vous vous rendez compte, fumer n'est pas bon pour la santé, on ne dit pas ça à l'antenne. Mais enfin, mais je ne fume pas mon Jadoul. Oh, vous allez trop loin Dominique, c'est bon, bonne soirée, merci d'être venu, au revoir, saluez tout le monde et partez. Oui, bonsoir soleil, bonsoir la lune. Oh, d'ailleurs, la lune attend toujours l'éclipse, hein, si tu vois. Oui, ça va Dominique, merci, bonne soirée, au revoir. Dès 20h, c'est Jadoul sur KIF. Vous connaissez par cœur le concept que l'on a éprouvé depuis maintenant deux saisons. On a une interview du média Combini, on la retourne, on regarde les réponses, et le moins drôle d'entre nous se prend un coup de... combiné. Oui, parce que le but, c'est d'être drôle. Et ça, c'est, je pense, la partie la plus... la plus complexe. Ouais. Est-ce que tout le monde est prêt? Oui. Oui. Ah, genre prêt ou prêt? Prêt. Bah après, on verra bien si vous trouvez ça drôle, mais... Mais vous pouvez jouer avec nous, hein. C'est de côté de la radio, là, vous pouvez vous prendre au jeu, tout simplement. Notre invitée du jour, c'est la talentueuse humoriste Florence Foresti. Alors, nous allons commencer l'interview combinée. Florence, est-ce que tu as une préférence concernant la personne de l'équipe qui sera la plus drôle, peut-être? Est-ce que tu sais déjà nous dire, Florence? Ils me tiennent tous à cœur, c'est tous mes bébés. Oh, c'est gentil, ça. Vous avez vu, Florence vous soutient. Oui, nous aussi on l'aime. Tout le monde a préparé, car il va falloir être drôle. Ils me tiennent tous à... J'y tiens beaucoup, ouais. Ah, ça, ils n'ont pas trop le choix. D'ailleurs, si tu voulais distribuer des coups de combiné, Florence... En même temps, ils n'ont pas le choix. Bah ça, t'inquiète pas. Je l'ai là. Oui, je l'ai là. Mince, on lui a fait chaud là. Je pensais qu'on l'avait enlevé, Maëva. Faut pas qu'il nous tape avec son combiné. Non, aïe. Ça va, je dis plus rien. Je suis chaud. Allez, première question, Maëva. En primaire, quand tu rentrais de sortie scolaire, on était tous en larmes à la fin. Bah ouais. La déchirure. Oui, quand on allait à Paradisio. Oh, ça s'appelait encore Paradisio. Et on rentrait dans le car et se garait devant l'école. Oh, j'avais horrible. Déjà oublié Paradisio, quoi. Oh, Paradisio. Tu te souviens pas de la pub? Ouais, traumatisé. Ça va aller, hein, ça va aller. Moi, je pleurais quand le bus partait, mais quand il revenait, j'étais trop heureux. Bah, t'aimais pas aller à Paradisio avec tes copains-copines, hein. J'aime pas les gens. Ah, et les animaux ou... J'aime pas les animaux. Ah, okay. Et les bus? Et je t'aime pas, toi. Bon, ça, c'était dit. Non, on rigole, hein, ça va. Second degré, hein, oui, les gens qui se branchent pour la première fois, ils doivent se dire, oh là, bah dis donc, j'ai une sacrée ambiance dans cette équipe. Ouais, ça va, on est bien, on est heureux. Kix. Alors, pour ma part, c'est aussi en lien avec l'école, mais c'est quand la prof disait, interrogation surprise. On était tous en larmes à la fin. Bah, même si elle était prévue, t'étais en larmes, hein. Oui, c'est vrai. Ouais, le mec. Ouais, mais la surprise, c'était encore pire. Tada! C'est quand même zéro. Pardon. Deuxième question, Maëva. Quand il faisait les milkshakes guimauve chez McDonald's. Bah, j'ai adoré. Les milkshakes guimauve. Les chamallow, quoi. Ouais, ils ont arrêté, c'était trop bon. Mais moi, je suis pas au courant de ça, moi, le grand fan de mais McDonald's. Si, je me souviens, j'avais genre 15-16 ans, j'en prenais tout l'été, et puis ça s'est arrêté du jour au lendemain, et j'ai pas compris pourquoi. Ils appelaient ça des milkshakes? Oui, à Paradisio. Milkshake. Ah, à Paradisio, quand elle attendait le bus. Bon. Miché. C'est dégueulasse. Bon. Oui, mais bah, t'as dit Miché. On réécoutera, t'as dit Miché. Kix. Quand c'est la première fois que tu manges chez tes beaux-parents? Bah, j'ai adoré. Ah bon? Quoi? Non, moi j'aurais dit. On était tous en larmes à la fin. Ça aurait été plus drôle. Mais qu'est-ce qu'il raconte, lui? Kix. Ressaisis-toi. Maëva, troisième question. Je suis toujours en retard. Allez savoir pourquoi. Bah, elle aussi, parce que dans ses sketchs, elle le dit. Hein. En même temps, ils n'ont pas le choix. Voilà. Kix. Pourquoi, quand je parle à quelqu'un, on ne me comprend pas? Allez savoir pourquoi. Kix, on l'a écrit ensemble, celui-là. Bah, moi, je l'aimais bien comme ça. C'était pourquoi est-ce que le mot. Non, attends, je le fais dans le tête, là. Toi, t'es marrant, toi, t'as tes feuilles. Attends, je t'en fais dans le tête, hein. C'est feuille, il a un. Ouais. Attention, avec des trucs gribouillés dessus. Je suis sur méta, messieurs, dames, je suis sur méta. Mais non, ça bug. Ah non, ah, oui, mais c'est je... pour ça qu'il a foiré. Ah, non. Ouais, on a compris, ça y est. Non, je pense que ça aurait été plus drôle de dire. Le mot que j'entends le plus tout au long de la journée, c'est. Pardon, j'ai pas compris. Allez savoir pourquoi. Ah oui, je. Ah, c'est drôle, tu, ça, sûrement. Tu sais bien que j'aime pas qu'on s'y compte, toi, Kix, mais il a raison. C'est pas drôle. Et qui est de mauvaise foi? Kix. Le personnel médical qui encadre les gens de cette émission vous informe que l'état des patients n'a pas évolué. Hey, les médecins démissionnent. Non, non, non, on veut pas. Ces fous sont libérés 2 heures sur KIF. Ça n'est pas acceptable. Dès 20h, Jadoul et son équipe. Tous les mercredis. Ah, on a une coutume dans cette émission. On aime se perdre sur Internet. Ah oui, c'est vrai. Et encore plus profond, dans les fins fonds d'Internet, on arrive à trouver. Et là, je vous propose 3 chemins pour se paumer. Ok. Voici les 3 propositions pour la bonne trouvaille du jour. Ginette remercie ses abonnés. Mamie Ginette perdue sur YouTube. D'accord. Ginette et Martine à la plage. Quelle est la bonne réponse? Ah, moi je veux la B. Je veux ma Ginette. La B. Moi, Ginette et Martine à la plage. Ginette et Martine à la plage. Ouais, bah ça fait un petit jeu avec les livres, là, Martine à la plage. Peut-être qu'il y a un vrai truc comme ça qui existe. Vous êtes perdu sur Internet. Pour une fois, il y avait deux bonnes réponses dans les propositions. C'est une spéciale Ginette, étant donné que la bonne réponse était Mamie Ginette perdue sur YouTube. Je vous propose d'écouter ce que ça donne, Mamie Ginette qui se paume sur YouTube. Ah non, tiens, attends. C'est tout. Donc c'est une vidéo, vous l'avez eue dans l'intégralité. Ok. C'est Mamie qui a le téléphone en main, je crois. Elle commence à filmer, et puis elle se rend pas compte, et puis elle donne... Ah non, tiens, attends. Et ça s'arrête. Et c'est sur YouTube, ça? On a un peu le contexte. Ça a fait 3 vues. Dont la tienne. Ah, on sait pas, elle a 0 abonné, c'est en ligne depuis 2022. Bon, voilà. Ok. Enfin, quel bonheur. La deuxième découverte, c'était Ginette qui remercie ses abonnés. Ah, alors, okay. On va découvrir aussi son contenu à elle. Bonjour, c'est Ginette. Et ben voilà, moi je voulais vous envoyer des cartes postales, mais vous êtes un peu trop tout nombreux. Donc du coup, je vais vous chanter une petite chanson, l'Ave Maria. Oh, elle articule aussi bien que Kix. Donc Ginette, que l'on a pu trouver sur YouTube sous son prénom, hein, elle a actuellement 13 abonnés. Waouh! Ce qui veut dire 13 lettres à envoyer, hein, c'est quand même plutôt raisonnable. Elle aurait pu envoyer ses cartes postales, mais elle préfère chanter. Mm-hmm. Alors nous allons écouter. Ave Maria, Ave Maria. Pardon, désolé. C'est parfait, c'est, ah oui, vraiment, quand même. C'est vraiment une madame qui... Assez spéciale, hein. On dirait Antoine de l'équipe, voilà, ces soirées karaoké. Il va être content, en plus il nous écoute. Bah attends, Antoine, il peut faire de la flûte avec Ginette. Je crois que je vais plutôt jouer à la flûte. Ça sera beaucoup mieux. Oui. Accrochez-vous, parce que personnellement, moi, là, je m'attends au pire. J'ai pris des cours, il y a encore un petit peu de boulot, mais ça devrait aller. Allez, ah bah alors on y croit, on écoute, on ouvre bien ses tympans. Allez, on y va, attention. Ne touchez à rien. Votre radio fonctionne tout à fait normalement. C'est Ginette. Elle s'appelle Ginette. Et elle fait ses premiers pas sur YouTube. Quel talent. Tout compte fait, à côté de ça, le chant. Non, non, non. Bah, c'est quand même mieux, non? Non. Non, d'accord. Faire la flûte. Bon. Bon, je croyais que c'était pas si mal. Voilà, c'était la petite chanson. J'espère que ça vous plaît. Je vous fais tous de plein de gros bisous. Et Ginette, elle vous aime très fort. Oh. Wow. Il voudrait peut-être mettre un peu de colle sur son appareil dentaire, parce que ça baille un peu, je pense. Elle a quelque chose dans la bouche. Oh, on l'adore. Oh, imagine, là, elle vient vers toi, elle te vend un câlin. Oh. Oh. Bah, je vais mettre la chanson. C'était la petite chanson. J'espère que ça vous plaît. Je vous fais tous de plein de gros bisous. Et Juliette, elle vous aime très fort. Je vous propose quelque chose d'encore plus fort. Ouais. Le chant et la flûte. Ah. En même temps. Oh. En même temps. C'est horrible. Tous les mercredis dès 20h, c'est avec Jadoul sur KIF. Il est temps de transférer les pouvoirs de l'animation. Merci. Voilà, c'est Maëva qui a tout ça entre ses mains, je te démerde maintenant. Mais Kiki, il m'a même pas mis sur la bonne page. Oh, oh là là, faut Kiki. Tout lui faire à la dame. Bah, faut lui pré-mâcher. Vas-y. Qu'est-ce qu'il y a? Moi, j'ai pas eu les cours de la boîte. Ah, la boîte. Ça y est, j'ai réglé la boîte. On est prêt. Ça va la machine, la sound machine. Exactement. La music machine est prête. On est prêt à jouer au cinéphile. Donc je vous mets, il y a 3 manches. On veut savoir le principe. On va commencer par la première. Donc je vous fais écouter 3 extraits d'un même film. Et vous devez trouver tout simplement de quel film il s'agit. Voilà, t'as ton buzzer, Kiki? Oui. Super, vous êtes prêts? Réactif en plus. Et c'est parti. C'est pas personnel, Sonny. C'est uniquement les affaires. Voilà, ça c'était le premier extrait. On doit retrouver un film? Aucune idée. C'est un extrait d'un film. Sony, il a dit Sony. Ah, après, tu peux pas répondre, mais. Okay. T'as entendu ça aussi? Répète un peu! Répète un peu l'indice. Bon, on passe au deuxième, on n'a pas. Le deuxième extrait. Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. Radio Falminioul? Attends. C'est vrai qu'il y avait des airs. Non? Oh, j'ai pas d'idée non plus là. Oh là, j'ai rien. Ok, troisième extrait. Tu passes du temps avec ta famille? Bien sûr, parrain. C'est bien. Parce qu'un homme qui ne se consacre pas à sa famille ne sera jamais un homme. Excusez-moi d'en fous rire, mais... Tu veux un chocolat chaud? J'ai quelqu'un de ma famille qui a cette même voix, en fait. Je vous donne... Oui, oui. Donc, qui c'est en train d'expliquer? C'est quel membre de ta famille? Mon parrain. Ah, ouais. Mais il y a la réponse dans le temps. Dans... Ah! C'est... Ah! Le parrain. Oui. Ah, j'ai gagné. Donc, c'est ton, oui, ton parrain, Kix, c'est lui, c'est le parrain, c'est ton parrain. Oui, t'aurais juste eu à buzzer, et c'était bon. Oui, mais je savais pas que c'était sur ma vie, excusez-moi. Il s'appelle Corleone aussi, ton parrain. Non, il s'appelle Patrick. C'est bon. Patrick, salut les enfants, ça va? Tu veux un chocolat chaud? Tiens, oui, tu veux un chocolat chaud? J'ai acheté un nouvel ampli, un Pioneer. Ah oui, et un casque. Ah oui, un casque qui va avec. D'ailleurs, ça, les casques qu'on a ici, c'est lui qui me les a offerts. Il est incroyable, on l'embrasse Patrick. On continue. Manche numéro 2, cette fois-ci c'est moi qui vais vous dire sans aucune expression les citations. Et c'est à vous de retrouver, c'est toujours 3 citations d'un même film. Vous êtes prêts? Oui, oui. Alors la première. Je dirais qu'il faut beaucoup de bravoure pour affronter ses ennemis, mais qu'il en faut encore plus pour affronter ses amis. On dirait qu'elle fait un poème devant la classe. Oui. Maurice Carême. Okay. Suivant. Extrait numéro 2. Non, stop, stop, stop. Tu vas finir par crever un œil à quelqu'un. Et puis d'ailleurs, tu ne sais même pas le prononcer. J'ai les extraits, quand je vais vous les passer, vous allez dire « Ah, oh, comment j'ai pu ?» C'est oh là encore là. Avec ma famille, mon Moi, père, Moi, je vais proposer mère. Un truc. Vas-y. C'est le film sur les informations sur les violences sexuelles. Pardon. Quoi? C'est et ça. Quand on ne sait pas. On garde ses doigts pour soi. Oui, oui, oui. Non, non, non. Avant de tripoter, il faut bien écouter. Moi, je suis. Attends, parce que là, c'est un truc culte. Moi, je suis sûre. Non, pas ta chanson, hein, mon film. Ah. Je suis sûre qu'il y a plein d'auditeurs. Je me demande s'il y a des auditeurs qui ont la réponse. Mais c'est... tu vas voir. Oh, extrait bien. Numéro 3. Mon nom te fait rire. Inutile de te demander le tien. Un rouquin et une robe de seconde main. Tu es forcément un Weasley. Oh, oui, je l'ai. Ouais. Harry Potter. Ben oui. J'ai jamais vu un seul Harry Potter. Oh. Non mais moi c'est juste Weasley, hein. Le oh. reste. Mais allez. Mon nom te fait rire. Inutile de te demander le tien. Un rouquin et une robe de seconde main. Tu es forcément un Weasley. Mais, bah, c'est ton chien Dobby qui doit être content. Ben oui, mais c'est culte, Jadoul. Jamais vu. Et pour te dire, je sais même pas qui a parlé, c'est Harry Potter. Non, là c'était Ron Weasley. Ah, j'espère. Et avant, il y avait celui-là. Non, stop, stop, stop. Tu vas finir par crever un œil à quelqu'un. Et puis d'ailleurs, tu ne sais même pas le prononcer. C'est Leviosa. Et pas Leviosa. Bon, ça je l'ai pas dit parce que c'était trop. Ah, tu l'as pas dit. Bah, voilà. Je pensais que vous alliez tout de suite trouver, mais bon, c'est pas grave. Manche numéro 3. Donc, du coup, là on est à combien de points? Bah, un chacun. Un chacun, ok. Donc, la manche numéro 3, cette fois-ci, c'est moi qui explique le film. Par contre, je suis pas super douée pour expliquer les films. Ah oui, c'est vrai. Ouais, dernière roue du carrosse pour pitcher un film. Dis-toi qu'il y a moi. Hein. Alors, c'est parti. Donc, c'est l'histoire d'un gars qui a pas mal réussi dans les affaires, à tel point que son entreprise est un énorme succès mondial et que les affaires marchent bien. Sauf que pour atteindre son succès. Steve Jobs? Non. Mince. Je t'ai dit que le but c'est que je le raconte mal, mais c'est pas grave. Sauf que pour atteindre son succès, il s'est vachement isolé du monde et des autres. Donc il va décider d'organiser un grand concours à l'international pour trouver des gens à qui enseigner le secret de sa réussite. Donc il va faire venir 5 gagnants du coup dans son entreprise. Et il va décider de leur faire faire une visite. Sauf que ça va pas super bien se passer. Dans l'entreprise, il y a une espèce de rivière et le premier gagnant va tomber dedans. Alors un peu après, ils vont aller goûter les prototypes de ces nouvelles technologies. Et l'autre participante, eh ben, elle va avoir une intoxication. Ensuite, le participant suivant, ben, il va vouloir prendre un des gens qui travaillent en fait pour lui. Donc, elle va tomber dans un trou et elle va finir dans les ordures. Le quatrième va vouloir tester une nouvelle technologie. Il va faire un super grand régime et devenir tout fin. Et c'est le cinquième qui va gagner, qui va hériter de l'entreprise. Alors, juste pour t'expliquer, Jadoul et moi, on s'est arrêté à Benny Hill. Hein. Est-ce que vous l'avez? Moi, je viens de buzzer. Dis-moi. Je dirais Charlie et la chocolaterie. Tu triches. Quoi? Tu es en train de regarder son téléphone, c'est un auditeur qui t'a donné la réponse. Oui. Oui, c'est bien Charlie. Je félicite cet auditeur en tout cas. Bravo. C'est Charlie et la chocolaterie. Merci. Bah donc du coup j'ai 2 points. Non. Willy Wonka, Willy Wonka. C'est moi. Willy Wonka, Willy Wonka. Ouais. Eh bien, vous voyez, je cherche un nouveau générique pour la saison prochaine. Jadoul et l'équipe, elle est là tout en direct. Ouais. L'équipe de toute l'équipe, elle est là tous les mercredis. Non mais c'est génial, merci Maëva. Avec plaisir, mais t'as pas vraiment gagné. Oh bah ça va. Tu peux nous couper cette merde par contre. Merci. Oh, je suis déçu. Mais ouais, non, moi je trouve que t'as triché. Je trouve que c'est pas juste pour Kix, mais il y a pas de souci. Bah, c'est pas grave, on me met pas le. Mais c'est le patron, pour rien. Alors dire. Vous êtes à égalité, il faut un bonus. Ah bah oui, il est 21h13, on va faire un bonus. J'en peux rien si tu triches. On fait un petit bonus. Allez, on fait un petit bonus. Allez, trois extraits du même film. C'est parti, le premier. Tu sais ce que tout le monde aime, le clafoutis. T'as déjà rencontré quelqu'un à qui tu dis fais péter le clafoutis et qui te dit j'aime pas le clafoutis. Oh. Le clafoutis, c'est exquis. C'est un doublage, donc c'est un truc américain. Ok, deuxième extrait. T'es pas mouru, Lan. T'es pas mouru. Oui. Eh bien, je dirais Shrek. Oui. J'ai entendu Anne, donc c'est le seul film où il y a un Anne. Oui, c'est ça. Un Anne. Non, il y a Kylian. Il y a Kylian. Donc on peut dire que ça y est, t'as vraiment gagné, Jadoul. Félicitations. Ah, yes. Pardon, je peux faire ça durant des heures. Pardon. Ouais, mais pour les auditeurs, c'est pas top. Dès 20h, c'est la trappe. C'est Jadoul et toute son équipe sur KIF. Dans Bruxelles, dans Namur. Merci de nous avoir choisis, c'est mercredi soir et tout va bien. Pourquoi tu rigoles ? Pourquoi tu rigoles ? Je peux pas le dire. Tu vois qu'il se moque de nous ? Mais si, vas-y. Pour diverses raisons, je ne pouvais pas dire qu'on est mercredi. Ah oui, bon bref. Qu'importe le jour où vous nous écoutez. Bon, ça va, c'est pas très périmé. Bon, bref, n'en parlons pas. Bienvenue. On est, j'allais dire, en plus la date, allez-y. Bah, on y va, tant qu'on y est. On est le 3 avril. On est le 3 avril, c'est vrai, mercredi. C'est vrai que pour les podcasts, c'est mieux de rien dire. Oui, c'est ça. Et pas que. Dans un instant, qu'est-ce qu'on aura comme chouette séquence, les amis? La dame qui tousse dans le fond, la molaire, qu'est-ce qu'elle devait dire? Je suis étranglée. Non, les inflops. On va avoir tout de suite les inflops et puis après on a fait le mignoul. Oh bah dis donc, les speakerines, ça a changé. Je suis étranglée. Tu peux comprendre ça? T'as pas une petite goutte d'eau? Même pas. Ah, j'ai une bougie, tu peux boire la cire. Ah, ça coule bien dans la gorge. Non, on note l'heure. Non. On l'isole, s'il vous plaît, merci. Bon, allez, moi, je dis plus rien. Fais tes enveloppes et laisse-moi tranquille. Ah bah tiens, en parlant de ça, ça vous est arrivé d'avoir une grosse tâche? Bah, ça dépend de quelle tâche tu parles. Tu parles de qui? Bah, une tâche de ketchup, n'importe qui, rien de plus banal, quoi. Oui, ouais. Bon, c'est un problème. En effet. Et pour répondre à ce problème, la filiale Heinz, que vous connaissez, la marque mondiale de sauce, a annoncé dans un communiqué proposé une assurance ketchup à ses clients. Oh. Ah bah c'est bien pour moi ça. Oui. T'en faudrait une. Et pour toutes les marques et pour tous les objets de la vie. Pour tout, ouais. Tu coûtes très cher en assurance. T'es assuré? Non. Bah j'imagine, mais. Oh là là, quel enfer. Bon bref, l'entreprise a compilé 57 types différents de réclamations pour lutter contre les catastrophes du ketchup. Parmi elles, les taches sur le mobilier, les vêtements et même les éclaboussures sur son animal de compagnie. Bah oui. Mais oui, Dobby se prend toujours du ketchup dans la gueule. Mais. Mais Maëva. Mais. Ça va pas aujourd'hui. Dobby. Mais non. Mais il est toujours à me coller quand je suis dans la cuisine à mes pieds. Et parfois tu fais un petit sandwich et ça. Et ben lui il s'en prend sur le dos et il faut lui frotter. Ça m'est arrivé. Peut-être avec du ketchup, mais ça m'est déjà arrivé de lui faire tomber un truc dessus en cuisine. Attends, t'es sûr qu'il en profite pas là? Genre il vise exprès. Attends, ça va couler par où? Par où? Ah bah là. Bah, il devrait viser sa bouche et pas son dos, ce nunu. Oui bah enfin il va là où ça va. Jadoul, ça va. Jadoul. Pardon, mon esprit a quitté mon corps quelques minutes parce que j'avais vraiment pas envie d'être là. Mais Dobby, je m'en fous. Ton chien est moche. Il est moche. Et alors? Il sert à rien. Mais si... Il a 11 ans. Et alors? C'est bientôt fini. Mais non. Merde, faut pas me faire chier avec Dobby. Non mais par contre c'est toi qui dois pas me faire chier avec Dobby. Parce que tu peux toucher à ce que tu veux mais pas à mon fils, ok? Tu veux qu'on se batte? Oui. Ah bah viens. Non. Non, non, ça va. Le fil de ton casque qui te retire. Ce n'est pas faux. Allez, rassieds-toi. Allez, je me rassieds. Et touche plus à mon fils, plus jamais. Mon fils, tu ne manges pas. Voilà. Merci. Bon bref, si vous vous faites attaquer par du ketchup, la société Hens vous propose du nettoyage à domicile ou encore un traitement réconfortant au spa. Ah ben nickel. C'est bien hein. Kix, tu trouves pas que ce serait une bonne idée de faire comme Hens et de mettre une assurance Kix pour lutter contre toutes tes catastrophes? Bah écoute, on a parlé et franchement, je pense que je vais vraiment faire ça. Parce que pour lutter contre toutes tes catastrophes, il faut reconnaître que vivre avec toi, la plupart du temps, c'est un peu... La vie comme... Parlons de Fabien. Non, pas le... Ah, oui. Fabien, originaire du Brest, rien à voir. Il s'est fait implanter la puce de sa carte bancaire dans le dos de la main. Dans c'est le... pas la première fois que je vois ça. Enfin. Bah si. Moi, c'est horrible. Moi, j'ai... Ça m'a passé à l'esprit de... Bah, toi non, oui, ah. Mais non. Le badge. Je le perds tout le temps. Je me suis dit, quel est le meilleur moyen? Dans ton téléphone. Mais comme j'ai peur des aiguilles et des scalpels, ouais. Le meilleur moyen, c'est de faire un bracelet avec le badge. Mais pourquoi te mettre un... Bah, mais... Et si, oui. Pour aller au travail, le badge. Bah, tu passes pas ta main. Enfin, c'est bizarre. Bah si. Mais tu... Oui. Mais je trouve que l'Apple Watch devrait intégrer la gestion des badges, des trucs et... Bah, oui, mais qu'il est con, le gars. On peut payer avec Apple Pay maintenant. Qu'est-ce qu'il dit, le gars? Bon, il s'est fait implanter la puce de sa carte bancaire dans le dos de sa main. Fabien, voilà, il est passionné d'informatique, comme par hasard. Et... J'ai vu quand même dans le texte, la personne qui a écrit ça a dit « Ce n'est pas le seul passionné par l'informatique. » Et par hasard, ça n'a pas été fait à Las Vegas ou quelque part par là, non? Non, c'est juste pour savoir. Hein. Arrête, il va y retourner le mois prochain. C'est pour, un plan sourd pour une opération. Tu vas faire l'autre main. Non, mais je suppose. Non, mais alors, bref, c'était très privé de joke, mais Fabien est l'un des mecs qui bosse dans cette radio, donc ça nous fait marrer. Voilà, c'est très privé. Bon, cet implant sous-cutané permet de payer sans contact et a été inventé par une société britannique et a été commercialisé en France depuis 2021. Donc vous pouvez aussi vous faire implanter, hein, il n'y a pas de problème. 500 personnes en Europe en seraient déjà dotées. Mais enfin. Ah ouais. Bon. Ça ne doit vraiment pas être évident pour lui quand le paiement sans contact n'est pas accepté quelque part. Ah oui, c'est vrai. Quand t'as pas le paiement sans contact, pour Fabien, c'est... Ben oui, parce que lui, il va plus chez les commerçants qu'ils n'ont pas le paiement sans contact. Moi, je l'imagine, tu vois, le moment où il se dit « Ah bah oui, mais il faut insérer la carte maintenant !» Oh. Ah, quand ça a planté. Ben là, il répond. Mais vous êtes fous. Oh oui, mais vous êtes fous. Troisième et dernière info. Mm-hmm. Gros sujet brûlant en Amérique en ce moment, la question fait débat. Ah. Est-ce que la pomme de terre est un féculent ou un légume? Ah. Mais un féculent déjà. Là, la question est entière. C'est pas une blague, il y a une commission qui a été chargée de trancher sur la question, qui a fait polémique et mis en colère un bon paquet de sénateurs d'États ruraux. La vraie source de ce problème est en fait une question d'allocation d'aide publique. Selon une donnée du ministère de l'Agriculture datant de 2019, les Américains consommant en moyenne 22 kilos de pommes de terre par an, près de la moitié sous la forme de produits congelés, comme des frites par exemple. Et l'idée était donc de classer des pommes de terre dans la case des légumes. Ok. Voilà, comme ça on peut dire que les frites... C'est beaucoup de légumes. Bah enfin. Okay. Bah si, on dit tous ça. Non. Bah oui, bien sûr. On dit pas tous ça. Oui, moi je dis ça. Moi, je peux manger des frites parce que c'est des patates et la patate c'est un légume. Je peux le dire. C'est à peu près ça, non? Ah, ce serait comme manger des légumes. Bon alors, oui, alors ok. Et quoi? Le hamburger, c'est des fruits? Non mais les Américains, c'est pas possible. Oh oui, mais vous êtes fous. Dans un instant, on aura dans cette émission le retour de Radio Falminioul. Oui. Nos deux professionnels de la bande FM seront là. Et on aura également, qu'est-ce qu'on aura? Ok Boomer? Oui, oui. Je vous fais découvrir des infos qui se passent en ce moment. Et quelles infos? Les infos. Ah, des informations. Ah oui, pardon. Ouais, oui, ok, d'accord. Casting pour remplacer Jadoul. Allez-y. Jadoul vous dit bonsoir. Le son ne va pas assez fort. Terrible. Suivant. Faire du Jadoul, c'est comme faire un bon gâteau. Non, ça ne le fera pas non plus. Désolé. Suivant. Tous les mercredis, Jadoul et sa belle fanfare pour le plaisir des oreilles. Bon, ben, tant pis, on va devoir garder l'original. Jadoul et son équipe. Sur KIF, tous les mercredis. Maëva ? Oui, il est l'heure de rejoindre le magnifique petit village de Falmioul et ses deux vieilles mascottes. Des mascottes. C'est une blague. Quoi, c'est leur mascotte. On t'a dit vend la séquence avec amour. Ah ben c'est de l'amour. Franchement, être les mascottes d'un village, c'est quelque chose quand même. Et quelle est leur profession ? Eh bien, ce sont des radiologues. Retraités radiologues qui voilà, qui continuent à faire de la radiologie. Vous n'avez rien compris, c'est pas grave. Le jingle va vous résumer tout ça. Bon. Au cœur d'un paisible petit village de Wallonie. Chaque jour, René l'animateur et Guy de la Sono œuvrent à transmettre de la joie sur les ondes locales de Radio Falmignoul. Des moments de vie exceptionnels que l'on vous offre. Découvrez le jour où ils ont découvert l'IA. Chers auditeurs de la 97.8, vous écoutez en ce moment Radio Falmignoul, animé par moi-même et avec Guy à la technique. Bonjour Guy. Je n'ai pas mis mon dentier, donc je ne peux pas parler. Pardon, qu'est-ce qu'il y a, Guy ? Brigitte Bardot a de beaux lolos. Mais enfin, Guy, ce ne sont pas des propos à tenir à l'antenne, ça. Quelle élégance, bravo. Mais René, ce n'est pas moi qui parle, je te jure. Eh ben, quand t'auras fini de faire le pitre, est-ce que tu pourras donner le nom de l'artiste que l'on va diffuser ? Et voici tout de suite Claude François, le meilleur conducteur de son époque. Cela dit, il n'avait pas la lumière à tous les étages. Guy ! Mais puisque je te dis que je suis innocent, ce n'est pas moi qui dis toutes ces bêtises. Il doit y avoir des extraterrestres ou une présence surhumaine qui me clone. Je t'ai bien eu. Je sais bien que ce n'est pas toi, mon vieux. Attends, Guy, il faut que j'explique aux auditeurs ce qu'il vient de se passer. Je viens de te faire découvrir ce que l'on appelle l'IA. Ah, Isabelle Adjani est une extraterrestre. Ah, j'en étais sûr. C'était évident. Guy, IA, ça signifie intelligence artificielle. Et non pas Isabelle Adjani. J'ai vu un gamin jouer avec ça tout à l'heure. Il m'a fait tester et je lui ai fait faire des phrases. Waouh. Ah bah super. Ah bah je veux bien que tu me l'implantes aussi. Ah, j'ai toujours rêvé d'avoir une intelligence. Bon, pour la partie artificielle, ne t'en fais pas. Et j'ai ma hanche. Toujours 100% titane. Mais je ne fais pas dans le trafic d'organes, Guy. Mais allez, moi je veux. Faut ouvrir. Faut faire une anesthésie anale. Local, Guy. Local. C'est parfait, je suis partant. Mais non, arrête. C'est en vérité un programme informatique sur des machines ordinateurs. Oui. Oui, je m'en fous. Je suis déjà sur le billard. J'attends l'intervention chirurgicale. Ouf, allez, tiens, bouffe cette disquette. Ça va t'occuper au moins 4 heures. Vous pouvez constater que la FM a encore du punch. À bientôt pour de nouvelles aventures chez Radio Falmignoul. L'actu connecté et les dernières tendances, c'est avec Jadoul sur KIF. La séquence porte un nom et ce n'est pas choisi au hasard. Le hockey boomer de Maëva consiste à vous résumer tout ce qu'il ne fallait pas louper dans l'actualité pour que vous soyez brillant. Brillant. Wow. Voyez les cheveux de Kix ? Comme ça. Mais bon, mes cheveux sont propres. Sont pas brillants. Hein. Pourquoi t'as mis une casquette alors ? Mes cheveux sont soyeux. Gars. Oh. T'as un salaud. Wow. Oui, d'accord. Non, je comprends mieux, non mais... Okay. C'est parce que je ne suis pas coiffé. Voilà la raison du pourquoi j'ai une casquette. En fait, c'est ça, tu dis coiffé, mais c'est juste cheveux gras, quoi. Non, mais non, arrêtez. Je les ai encore lavés hier. Mais il faut pas les laver. J'ai cru que t'allais dire, j'ai encore lavé la semaine dernière. Arrêtez. Bon, du coup, je fais. Mais du coup. J'arrive pas à m'étrangler aujourd'hui. Je couvre quelque chose. Attention, petit exercice d'articulation, Maëva. Bien. Bah arrête, je me suis étranglée, c'est pas que j'ai pas articulé, c'est que j'ai eu un petit reflux. Bref. Oh, je sais pas si t'as mieux de dire ça. Hein. Je vous fais. Vous vous rendez compte, un jour, elle sera sans filtre et elle va faire. On va faire le hockey boomer. Je. Trois infos. C'est génial. Maëva, on t'écoute. Bref. Donc la première info que je vous fais découvrir, c'est un nouvel accessoire pour les jeux vidéo qui est sorti pour améliorer l'expérience du jeu. De quoi s'agit-il ? À quoi ça sert ? À votre avis, Kix ? Bon, il y avait déjà les lunettes. Ouais, machin, c'est là. Dans la même idée, même si c'est pas, du coup, c'est pas le visuel de la 3D. Ah, c'est à l'arrière. Mais non, c'est le son. Non. C'est pas le visuel. Là, c'était le visuel, ouais. C'est encore. Je vous donne un indice. C'est l'essence. L'essence. Les un des cinq. Bah, j'ai. Oui. J'ai d'où une idée. Je me suis assis sans le joystick. Non, j'ai d'où. Non, pas okay. Le toucher. C'est pas le toucher. Le toucher. Enfin. Mais non, mais c'est vrai. Non, rien, laissez tomber. Attends, donc il y a la vue. T'as dit c'est pas la vue. Ouais, ça c'est déjà sorti. Ah, par rapport avec l'odeur. Oui. Exactement. Il y a un boîtier qui va sortir. Bravo Kix. Bravo. Merci. Kix, ouais. Un boîtier qui est capable de nous faire sentir nos jeux vidéo, donc grâce à l'intelligence artificielle et à six bonbonnes, contenant des senteurs spécifiques. Ça vient de l'entreprise qui s'appelle GameScent et en gros, ben, ça vous donne les odeurs par rapport à votre jeu. Donc actuellement, les odeurs disponibles, c'est les coups de feu, les explosions, les courses. Et tempête et forêt. Je me demande ce que c'est course. Peut-être le bruit des pneus, tu sais, quand tu roules ou j'en sais rien. Enfin. Ah bah tu vas à la fête foraine, t'as les mêmes odeurs. Hein. Kevin. Attendez. Kevin. Ça sent le soufre. T'as de nouveau joué à Call of Duty. c'est quand même exceptionnel. Tu tires une balle et ouais. Bam, ça sent. Enfin. C'était le 1er avril, il y a quelques jours. Oui. Et ça, c'est un petit complément d'info. Il y a maintenant un peu plus de 10 ans. Google avait fait un énorme poisson d'avril quand c'était le plein boom de la technologie, que tout le monde avait des nouvelles évolutions tout le temps. Ils avaient sorti le Google Nose. Et okay. En fait, quand tu recherchais par exemple fraise tagada sur Google, il y avait une fenêtre qui s'affichait en disant maintenant collez votre nez à l'écran et sentez. Trop bien. Et moi, comme un teubé, je te jure, et j'étais jeune aussi. Ah ouais, un peu. Ah ouais, attends, je vais taper chocolat. Ah, je me suis déglingué le cerveau comme ça. Mais c'est comme ça que ça a dérapé dans ma vie. C'est une vraie histoire. Tu peux taper Google Nose et c'est l'un des plus gros poissons d'avril de l'histoire. Ok, wow. C'est génial comme histoire. Ah, t'as vu ? Ça pourrait presque faire un hockey boomer. Bah, oui, c'est vrai, merci. Deuxième info. Merci. Google, justement, tu vois est en train de développer une nouvelle fonctionnalité en ce moment pour lutter contre un fléau sur Internet. Quoi ? Google Nose. Non, Kix. Un fléau, bah, je sais pas, aussi des trucs avec des bugs. Non, non, pas vraiment. Le porno ? Non plus, non. C'est pour lutter contre les fake news, donc les fausses informations. Ouais, vous n'étiez pas dedans. Donc en gros, hier, c'était la journée internationale du fake-checking. Donc c'était l'occasion pour Google d'annoncer que justement, il renforçait ça, le fait que, voilà, de lutter contre les informations. Et donc en gros, dans le moteur de recherche, va mettre en place des outils afin d'évaluer rapidement les informations et obtenir un contexte clé pour être sûr que voilà, on ne vous dise pas des bêtises. Tu appelles ça le quoi-checking ? Le fact checking. Non, ça c'est le fuck. Ah, le fuck checking. Le fact. Le magasin fact checking. Le fnac checking. Exactement. Ce serait énorme qu'à chaque fois qu'il y ait une fake news, à la place d'avoir Donald Trump qui fait fake news, il y a un fuck qui arrive. Mais c'est vrai, le poisson est le symbole de la blague. Pourquoi est-ce que le fuck n'est pas le symbole du fake news? Ah ouais? Ah, vous, ce serait une bonne idée. Je propose qu'on pose une idée. Non, on va déjà la déposer. Ouais. Comme ça, le jour où ça perce, on aura peut-être un euro. Peut-être. Troisième information, dans les Apple Store, il va y avoir une espèce de petite boîte dans laquelle il va falloir faire passer votre iPhone. Vous avez entendu parler de ça? Le pédiluve? De l'iPhone, exactement. J'en ai un chez moi. Non. Oh Kix, arrête avec tes pieds. Vous n'avez pas entendu parler de ça? Que maintenant, il va y avoir un petit boîtier dans lequel on passe son iPhone dans les Apple Store? Mais c'est pour les désinfecter, ça. Non. Du coup, c'est ta mauvaise réponse, Kix. J'adoule une idée. Moi, je dirais une boîte. C'est pour vérifier. Kix a été victime de ça. Qu'il n'y a pas des petits margoulins qui ont remplacé quelques pièces de l'iPhone par des trucs. Non, Apple ferait jamais ça parce que c'est mettre l'idée qu'ils pourraient vendre de la merde. Non, mais j'ai eu une vraie anecdote, écoutez. J'ai eu un iPhone avec une face. Différente du dos. Hein. Donc j'avais une couleur d'un côté, une autre couleur de l'autre. Avec... Oui, non, mais c'est pire que ça en fait. Il manquait des pièces à l'intérieur. En vacances à la mer, il a confié son iPhone à une boîte, enfin un réparateur au coin de la rue, quoi, qui lui a pris pas mal de thunes et qui lui a remplacé la vitre, mais en chemette, à récupérer le vrai bouton principal officiel, ouais. à démonter le bouton de verrouillage officiel, en a mis en plastique de merde, et lui, il s'est revendu les vraies pièces qui coûtent cher, et il lui a mis que des pièces en plastique, et donc du coup, il avait un iPhone qui valait plus rien parce qu'on lui a piqué tout le pied. Juste après. Vous vous rendez compte, le con il... J'y vais parce que je le casse en plus de base. Il pète la vitre, il va remplacer la vitre. Et puis deux heures plus tard, ouais, à peu près. Dans une table. Paf, dans le coin de la table dans le téléphone, bam, j'ai de nouveau rechanger. Donc non seulement il s'est fait voler toutes les pièces d'origine Apple, il a pété deux fois sa fenêtre. Ah mince. Bref, de qui que c'est qu'à toi que ça peut exister. Enfin, voilà. Bah oui, on a tous perdu, qu'est-ce que tu voulais nous dire? Et donc du coup, il va y avoir un petit boîtier qui sera dans les Apple Store. Ça s'appelle Presto, ce petit appareil. Et en gros, ça permet de mettre à jour les iPhones achetés par les clients pour être au dernier iOS, iOS. Oui. Au moment où tu quittes l'Apple Store, okay. En fait. Donc ça pousse à ta place se remettre à jour. C'est ça, mais en fait, tu as ton téléphone, il est vraiment au max de niveau mise à jour, etc. Bon, en fait, c'est de la merde. T'as toutes les bactéries de tous les téléphones. Honnêtement, quand t'achètes un nouveau téléphone, parfois ça prend des plombes et des plombes à l'installer. C'est pas juste l'allumage, en fait, c'est parce qu'il télécharge tout ce qui était, nouveau depuis sa sortie. Et là, du coup, tu pourras sortir du magasin et directement ton téléphone sera prêt à l'emploi directement. Mais de base, si tu vas là, c'est pour acheter quelque chose. Donc, allez, admettons que la personne aille pour s'acheter un nouveau téléphone, ça sert à quoi d'avoir la nouvelle mise à jour sur son ancien? Mais non. Merci à tous. Là, par exemple, depuis le temps que le dernier iPhone est sorti, je pense, en septembre, il me semble. Ouais. Depuis, il y a eu plein de nouvelles mises à jour. Et les iPhones, ils faisaient dodo dans la boîte. Ils faisaient dodo dans la boîte, donc eux, ils se sont pas mis à jour de tout ça. Et donc, toi, quand tu vas acheter ton iPhone et tu vas arriver à la maison, tu vas dire, bah, c'est bizarre, pourquoi il y a un si gros temps de téléchargement et je dois attendre 2 heures avant d'utiliser mon nouveau téléphone? Ça me saoule. Et bien maintenant, grâce à ce petit boîtier à Presto qui est disponible dans les Apple Store, tu pourras directement être... bonsoir Jadoul. Tu pourras directement être à jour et directement utiliser ton téléphone. Tu sors du magasin, tu l'allumes et bam, il fonctionne. Avec les nouvelles mises à jour. Alors non, Jadoul, ça sert à rien de mettre ton téléphone dans une boîte. Toi, t'as pas le même système. Non, parce que quand Maëva a commencé à parler d'une boîte chez Apple, je me suis dit, ils vont mettre une boîte à pourboire chez Apple, mais c'est des malades. Avec la thune qu'ils nous prennent. Mais ils ont aucun scrupule. Merci Maëva. Avec plaisir. Si son poing a cassé l'écran tactile du studio, ce n'est pas un excès de colère. Faute de Kix. T'es con ! C'est le lancement du son ! Ah, d'accord, c'est ça que tu veux. Mais non, il fallait faire un geste. Hein. Dès 20h. Sur KIF. Jadoul. Tous les mercredis. On fait un petit point. Est-ce que tout le monde va bien ? Est-ce que tout le monde est bien installé ? Très, très bien. Très, très, très. Tout le monde est heureux. Très, très, très bien. Ben, repique ma phrase. Ben, vous avez le droit d'être tous les deux heureux. Oui, c'est vrai. On est bien, bien, bien, bien, bien, bien. Qu'est-ce qui te rend heureuse en ce moment, Maëva ? Le matin, quand tu te lèves, tu sais. Tu sais, il y a toujours un espèce de goal comme ça. Tu dis, ouais, je vais passer une bonne journée parce que... Mais ce temps-ci, ma situation a fait que j'étais beaucoup en famille ou entre amis. Donc, de me dire que j'allais voir des gens que j'aimais bien qui m'entourent. Comme nous. Oui, mais voilà, ce matin, je vous c'est jure gentil. Que dans mes premières minutes de réveil, dans ma tête, quand j'ai passé ma journée en revue, ça m'a mis en joie, en joie. Eh ben Maëva, la bougie qui est ici dans le studio, c'est pour toi. De savoir que j'allais vous voir. Tu vois la bougie avec l'épitaphe souvenir. On mettra ta photo dans le cadre. Épitaphe. Et toi, qu'est-ce qui te met en joie, Jadoul ? D'avoir une belle image de toi qu'on m'a envoyée. Oh. Qui a fait ça ? Non, qu'est-ce qui me rend heureux pour le moment, c'est le printemps. Vraiment, le fait qu'il fasse beaucoup plus clair longtemps, moi, ça change ma vie. En fait, vraiment. Là, le fait que quand je sorte à 19h30 du taf, il y a encore de la lumière, ça m'a changé la vie. C'est vrai. Littéralement. Ouais, c'est vrai, mais ça nous a pris une heure, la nuit de... Ah, je peux te dire que dimanche matin, quand je me suis levé pour aller travailler... Ah, ça piquait, oui. N'hésite pas à parler vraiment très très loin de très, très micro. Très très loin du... Ok. Comme ça va ? Ah bah c'est parfait. En plus, elle a deux micros rien que pour elle, là, pour le coup. Attends, attends, j'essaye un truc. Vas-y, fais un stéréo. Ça va comme ça ? Oh là là. Attendez, on m'entend vraiment bien comme ça, je suis sûre. Très très bien. Et donc là, c'est complètement pourri comme son. On est prêt, on peut travailler chez Radio Contact. Super. C'est super. Bon. Les gars, on peut se reconcentrer 2 minutes, s'il vous plaît ? Oui, bien sûr. On a un jeu à faire. Merci. Ah. Tout le monde se remet la bouche contre le micro. Ouais. C'est bon, comme ça ? Super. C'est dégueulasse, même. On y va. Le chrono quiz. Vous avez 5 secondes pour citer 3 choses. Non, c'est stressant. Ah. Mais c'est le stress qui vous fait perdre vos moyens et c'est ça qui est le plus drôle. Déjà, je bafouille sans ça, alors en plus, si j'ai du temps. On se concentre. La première. C'est pour toi, Kix. Trois choses que l'on trouve toujours dans un film d'horreur. Du sang, un couteau et des morts. Bien. Bien, mais il n'y a pas toujours de couteau, mais ok. Mais il peut. Dans un film d'horreur, on peut. Maëva ? Oui. Cite-moi trois musées improbables qui devraient exister. Le musée de la petite cuillère, le musée des chasses et le musée des ongles. Waouh, bien. Ouais. Elle les a, ouais. Elle les a. On continue. Kix, trois choses que tu fais si tu veux vraiment obtenir quelque chose de quelqu'un. Le supplier, le payer et lui offrir un truc à manger. Waouh. Waouh, et on est doués. Mais le payer et lui offrir un truc à manger, c'est... Un an. Ah non, parce que moi, si ce jour tu vas me donner 10 euros, je vais te dire non. Par contre, alors que c'est la même somme, voire moins, tu me donnes un Big Mac, je te jure, ça peut m'aider. Tu vois ? Mentalement, il y a le truc. Tu vois, si t'as le Big Mac, faut pas me le proposer. Faut me le montrer. Et là, tu peux. Tu vois le gros Big Mac ? Eh ben, il est pour toi, Maëva. Ça fait 4 heures que je l'ai dans ma veste. Tiens, je te l'offre. J'ai fait 4 heures de route. Je me suis assis dessus. Waouh. On en était où ? Qui ? C'était Maëva. Maëva. Trois métiers que tu rêvais de faire quand tu étais petite. Journaliste, bibliothécaire et infirmière. Ah ouais ? Ouais. Oh, je te vois bien en infirmière. Non. Non, Jadoul. Quoi ? Je te vois chercher sur la boîte. Jadoul ? Oui ? Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai besoin d'une piqûre. À quel endroit ? Le plus efficace. Par les fesses ? Par exemple. Par exemple. Est-ce que si vous déboutonniez un peu votre blouse, peut-être que j'aurais plus facile à accepter la piqûre. J'ai peur des piqûres. Mais c'est tes fesses qu'on va piquer, pas les miennes. Wow, attendez, ça m'a fait que l'effet. Premier degré, là. Je me ressaisis. Attendez. Ah, c'est bon. Ah, en plus, sur les fesses, bah, c'est du propre. Parce qu'il avait déjà préparé. Non, mais... Il tâtait le terrain. On y va, on se fait la dernière, Kix ? Oui. Trois choses qui te poussent à mentir. Ah merde. Trois choses. Attends. Bah, il a le temps de réfléchir. Donc ouais, donc, c'est nul. Ça voilà. Passe même pas par la tête. Toi, dans la preuve. Bah ça, ça me pousse à mentir. Merci. Maëva, on termine avec ça. Trois moyens de reconnaître un menteur. Ben, si il a ses pupilles qui se dilatent, si on a dit un menteur, pas un fumeur, mais. Je sais pas, moi, je suis pas le mentaliste. Oh. Ben, c'était le principe du jeu. Bah oui. Oh, c'était sympa, on s'est encore bien marré cette semaine. Bah, on est en égalité, hein. Ah ouais ? Ouais. Ouais. Oh, ben, c'est bien, de on va chacun. Pas faire de manche bonus. Yes. On est trop à la bourre, les gars, là. Dans un instant. Ah oui. Nouveau mois ! Ah, yes. La paye ! Non, non, ah, non, pardon. Pas déconner. Nada ou. Tu sais où on travaille, nous. Bah, Eva. Oui ? Nouveau mois ? Nouveau mois, nouvelle sortie. Et on sort où ? Bah, non, en on est sorti cinéma, Netflix. Oh. Ah, c'est tout ce qui arrive dans un instant ? Oui. Ah, bah, c'est parfait, ça, merci. Paradis. Ça va aller. Paradis. Ah, le paradis. Non mais c'est vrai que c'est, il faut pas grand chose des fois pour faire une musique, vous savez. Un petit instru et puis on se débrouille, hein, vous connaissez. Bon, on a un truc à faire. Oui. Oui. Et pas n'importe lequel. Ah non. Maëva, Kix. Maëva. Ah pardon. Oh. Mais non mais... Ouais, j'ai cru aussi que t'allais parler. Je te jure que j'ai appuyé sur le bouton, il se passait rien, donc j'étais juste dit oui. La grosse lampe rouge. Mais oui, mais la moyenne lampe rouge. Bon, elle est grosse, hein, avant elles étaient plus petites. Alors, on est dans le c'est tournier, vrai, hein. Ça a changé. Non, ça n'a pas changé. Mais je veux dire, il y a 10 ans, elles étaient plus petites oui, sur ce truc-là. Oui, il y a 10 ans, j'étais pas là. Oui, c'est vrai. J'étais pas né il y a 10 ans d'ailleurs. Bon, je vous propose de faire un petit truc. Ah. Vous vous laissez guider ? Oui. Je vais mettre un peu de musique, le temps que j'aille chercher la surprise. Ok. Allez, musique. Petite surprise. En quel honneur. Bah, l'inauguration du studio. Oh, trop bien. Bah, c'est comme un bateau. Oh, en plus, oh. On l'a pas vu, t'as préparé les trois verres pendant la musique. Bah oui. Bon, on a sorti le champagne. Le champagne. Le champomy. Le champomy. Mais c'est vrai, hein. Oui, c'est vrai. Et attends, il a pas pris n'importe lequel, il a pris le pink. Oui, parce que je savais que vous étiez tous un peu efféminés. Donc mais, j'ai enfin. Ben non, mais un petit peu de champomis, ça fait du bien. Non, c'est gentil d'avoir pensé à nous. Voilà. C'est plutôt nous qui aurions dû te ramener un truc, parce que c'est toi qui as fait le studio, mais c'est ok, vrai. Nickel, merci. Bah, c'est moi, non. Oui. Et ceci dit, j'en profite d'être à l'antenne pour saluer toute l'équipe qui a travaillé sur le studio. J'adoule, parce que c'est pas les Oscars. Non, mais il faut le dire, il faut saluer les gens qui travaillent bien. Prends la bougie, je sais pas, prends si t'avais ta récompense dans les mains. Voilà, baisse la musique. D'accord, je baisse la musique. Voilà, et fais ton discours de nouveau studio. Voilà. Ah, d'accord, c'est, attendez. Comme les Oscars. Allez, c'est ton. Les Oscars. Donc, du coup, je te dis, Jadoul, félicitations pour ce nouveau studio. Ah! Merci, merci beaucoup. Je tiens à remercier en premier lieu les ouvriers qui ont fait un magnifique travail, que ce soit au niveau des murs, du plafond, du sol, ainsi qu'au niveau de la menuiserie. C'est une belle réalisation et un beau travail d'équipe. Merci maman, merci papa. Vous êtes les seuls qui sont venus à cette cérémonie, mais ça me fait très plaisir. Une équipe bourrée de talents visuels. Wow. Mais comme ici c'est de la radio, c'est pas pratique. Mais enfin, c'est promis, ils vont faire de leur mieux à l'oral. Dès 20h, c'est Jadoul sur KIF. Tous les mercredis. Ah, attendez, il faut qu'on fasse un petit point là. Les sorties du mois de mars. Yes, vous êtes prêts? Oui, oui. On est là pour ça. Alors, on va commencer avec le cinéma? Oui. Alors, il va y avoir SOS Fantôme, la menace de glace, qui sortira le 10 avril, du coup, au cinéma. C'est la suite du film qui était sorti, vous savez, en 2021. Avec, il y avait les anciens qui étaient revenus, mais il y avait aussi notamment l'acteur de Stranger Things qui était, etc. Donc, c'était chouette. Ok. Il y a aussi Challenger qui va sortir le 24 avril avec Zendaya. Voilà, je sais pas, en ce moment, elle brille de partout, cette actrice, j'adore. On passe maintenant sur une nouvelle plateforme, Paramount Plus. Oh! Vous avez entendu parler? Elle est dispo chez nous? Mais écoute, je oui. Enfin, non. Paramount Plus. Bon, bah voilà, on zappe Paramount. Paramount. J'ai bien fait de poser la question. Pourquoi tu me posais cette question, toi? Attendez, j'étais pas prêt. J'ai annoncé un truc. Hein. Paramount, c'est encore un truc où il faut payer. Bah oui, tous. Oui. Enfin, Kik, c'est le principe des plateformes. Ouais, mais je peux pas payer tout, moi. Bah, c'est vrai que ça fait un budget. Netflix, oui. Disney Plus, Apple TV, MyTF1 Plus. Et ben maintenant, il y a Paramount Plus. Oh. Bon, dis-nous tout, Maëva, pour Paramount. Oui, pardon, excuse-moi. Voilà. Donc, du coup, ce sera la saison 1 de Knuckle qui sort le 27 avril, du coup. C'est sur l'univers Sonic. Ah oui, Sonic. Ça fait la suite au film, en fait. On passe sur Netflix maintenant. Il y aura la saison 1 de Ripple. Donc, c'est une adaptation d'un roman. Ça sort demain, donc le 4 avril. Sinon, on a aussi la série Fiasco, saison 1. C'est avec Pierre Niney et Géraldine Nakache. C'est un truc français. Ça peut être sympa. C'est bonne humeur. Et ensuite, sur Prime, on aura Fallout. Donc, c'est un film inspiré du jeu vidéo. Je sais pas pour ceux qui connaissent le jeu vidéo. Non, je vais assis, juste de nom. Mais enfin, je crois vite fait comme ça. Fallout? Non, Fallout. Fallout. Fallout. Ok. Fallout. Et ça sortira le 12 avril. Et désolé, j'ai oublié sur Netflix. Netflix, pardon. Parasite the Grey, saison 1 qui sortira. Oui! Ouais! Mais pourquoi tu fais ça? Ah, pardon, oui. J'avais oublié que. Oh non! Ça mousse! Il y en a partout sur la console! Non! Non, ça va, je gère. Ouais, quelqu'un aura un grand verre, hein, parce que vraiment, là, il y en a partout. Bah, moi, je veux bien le grand verre. Ah, parfait. Et donc, après Netflix? J'avais fini. Même pas le cinéma? Mais si, je l'avais. Pardon. Elle l'a fait, ok. Oh, allez. Putain, j'ai commencé par ça, Jadoul. Ah, oui, oui, oui. Et c'était quoi les films que j'ai dit? Bah. Attends. Allez, santé! Santé! Merci! J'ai parlé de SOS Fantôme! La suite du film sorti en 2021! Avec l'acteur qui est dans... J'ai parlé aussi du film avec Zendaya en disant que Zendaya elle était partout au cinéma en ce moment! Tiens, bois! Celle qui a joué avec Spider-Man! D'ailleurs, elle sort avec lui, non? Elle sort avec l'acteur. Elle, avec Tom Holland. Comment il s'appelle? Ouais, elle va boire, ça va la détendre! Il n'y a même pas d'alcool dans ton champobi! Bah, c'est le principe! parce que. L'abus d'alcool est à faire. Attendez, non, je la refais. La consommation de. Merde. L'alcool est à consommer avec. Modération. Oui, enfin. Bon, merci à tous. Dès 20h, c'est Jadoul sur KIF. Je savais pas que Maëva allait faire cette voix-là, quoi. Ah. Wow. Attends. Il y a moyen. Maëva, oui. Est-ce que tu peux t'intégrer à cette musique? On va le t'entendre direct. C'est lequel ton micro maintenant? Le 3 là? Oui. Ok, d'accord, vas-y. Hop là. On te met l'effet. Et on le retire sur moi parce que sinon ça n'aura pas de sens. Voilà, vas-y. Bonsoir. Oh, mais. Vas-y. Dans la musique. Il fait chaud dans le studio. Avec Kix. Jadoul. Ça sent l'amour. Je bande. Pardon. Allez, on y va. Qu'est-ce en qu'on vrai, devait faire? Je dois vraiment me lancer. Je suis sûre que ça ferait mes fins de mois. Mais ta carrière. Allez, si quelqu'un. Bonjour. Oui, je peux faire. Ouais. Je peux. Une petite oui, annonce micro. Une petite annonce micro. Si vous recherchez vraiment une voix pour faire. Non, en vrai, non. Non, peut-être pas. Laissez tomber, ma mère écoute. Ça n'assume pas. Bah, t'étais complètement contre temps, Maëva. Oh. En vrai, la vérité, j'avais oublié. Dit-elle en buvant son verre. Donc la meuf, elle est pas là une semaine. J'avais oublié. Ouais, mais elle a pas l'habitude du soft. Non, ouais. C'est vrai, c'est ça. Ouais, ça doit être ça le problème. Des bulles, mais sans alcool. Bon, s'il vous plaît, on rappelle que la consommation d'alcool, c'est avec modération. Merci. Et là, on boit du champomille. C'est vrai, on vous mettra la story. En plus. Ouais, Pink. En plus. La chanteuse. Tout est en musique ici. D'ailleurs, en parlant de musique, oui. Il nous faut un professionnel pour arbitrer ce jeu. Oh, maîtrise pas, je suis l'huissier du choix. Pour le petit Jadoul et toute son équipe. Oh, maîtrise pas, la la la la la la. Je suis votre huissier et vous allez m'aimer toute la vida. Oh yeah. Je serais penché de t'avoir aussi un verre, s'il vous plaît. Ah oui, c'est bon, on peut vous servir. Vrai, oui. Yeah. Allez. Merci, gracias. Allez, vous trinquerez avec nous. En attendant, on a du travail. Le principe est simple, on doit reconnaître titres, artistes, originaux. Les sons que vous allez entendre viennent de TikTok. Yes. Okay. Et sont de la qualité que vous devinez. Ok. On démarre avec un homme qu'on aime beaucoup. Maëva. Diddy Miles. Kix. Tous prêts à jouer? Oui. On y va. À m'asseoir sur un banc, 5 minutes avec toi. Et regardez les gens tant qu'il y en a. Renaud. De parler du bon temps. Mistral Gagnant. À marcher sous la pluie, 5 minutes avec toi. Et regarder la vie tant qu'il y en a. Il la chante plus comme ça maintenant, hein. La version des 10 miles, c'est sympa quand même. À m'asseoir sur un banc, 5 minutes avec toi. Et regarder le soleil qui s'en va. Mais il a un timbre de voix, quelque ouais. chose dans sa guitare. À marcher sous la pluie 5 minutes avec toi et regarder la vie tant qu'il y en a. Olé. C'est vrai que ça fait très corrida. Il y a un truc. C'est Francis Cabrel qui chante. C'est génial. C'est vrai. Ouais. On n'en est pas loin. Deuxième manche. Des chansons des filles, beaucoup de verres et de nuit. Telles étaient nos heures. Calogero. Ah mince. Le titre. Adolescent, tout nous était perdu. Mermi. On est riche que de ses amis. On est riche que de ses amis. Ses amis. C'est dit, bonne réponse. On est riche que de ses amis. C'est dit. Oui, ça va, merci. Version TikTok. Quand tout s'abîme, quand même nos rêves fuient. Oh non, la voix cassée, c'est j'aime version pas ça. Tu sais quoi? Il s'appelle Moulix. Finis ta chanson. À demain. Maîtrise pas. La fin était géniale. Maîtrise pas, le récap des points. Si, ça fait 2 points pour Maëva. Et Kix? Bonjour, comme d'hab. Ah ben voilà, c'est honnête, hein. Kix, c'est pas grave, hein, ne pleure pas. Comme d'habitude. Et Kix, troisième manche, tu pourrais l'avoir là. Ah ben j'espère. C'est facile. Ce qui ne me tue pas me rend fort. Au soleil, Jennifer. Au soleil. J'ai failli faire un blanket. Un blanket à moi toute seule parce que j'oublie que quand tu mets les titres, mon micro est ouvert et que je me lâche peut-être un peu. Bah, tu peux l'éteindre et chanter à fond. Ouais, mais on va faire ça là prochainement. Voilà. Mais t'avais aucune chance, Kix, parce que j'avais les petits. C'est un des... Tu sais, on avait les petites pochettes de singles quand on était petits. On en avait que quelques-uns. Ouais. Ah, mais j'avais au soleil. Notre histoire que le diable l'emporte avec toi. Au soleil, m'exposer un peu plus au soleil. Ah, il est bon. Il l'a fini à capella. Comme d'hab. Ce que l'on adore et réchauffer oui. Son corps. Bye. Six. Gros bisous. Oh. Et bon lundi de Pâques. Ah. Bonne fête de Pâques. Et bon lundi 1er avril. En ce jour de Pâques, je vous embrasse. À Paris, il y a du soleil. Bye. Waouh. Ça change un peu de d'habitude, ouais, c'est pas plus mal. Mais il parle. On y va, avant-dernière manche, on a la bourre. Ok. Et ça fait combien de temps que tu n'as pas vu un peuplier, une fleur des champs. Elle est dure, putain, on finira pas à l'heure. Bon, c'est la dernière manche. Je l'aurai jamais, donc. C'est une ancienne chanteuse. C'était Claude François. Oh là. Ouais, bah c'était une ancienne chanteuse. Non, mais en même temps, Jocelyne, c'était pas facile. Ah oui, là oui. Il chante. Je la trouve très forte. Toi qui es tout temple, ne reste pas dans la ville. Viens à la maison, il y a le printemps. Elle est à contre-temps un peu, mais bon. On maîtrise pas, maîtrise pas. Maîtrise pas, on veut savoir qui remporte ce jeu. Eh ben, c'est Kix. Quoi? Attendez, non. Quoi? Excusez-moi, j'ai mis trop de champagne chez Maëva. Félicitations. Et ben voilà, encore une victoire. Oh, formidable. Oh, tu arrêtes. Ah, un jour on pourra jouer. J'adoue les méchants, il me fait culpabiliser de gagner. Bah oui, mais t'es trop forte, qu'est-ce mais que tu veux? Y a un pense aux auditeurs. Il y a un domaine où je pense à moi. Je leur laisse le temps de répondre. Vous retrouvez cette émission en podcast absolument partout. On est de retour dans pile une semaine. Portez-vous bien. Bonne suite de semaine. Et surtout, ciao. Jadoul revient mercredi prochain.